94 de service compris, la matinale de Fadjet reprend du service à partir du lundi 11 septembre. Du lundi au vendredi, des infos, des invités et de la bonne humeur de 7h à 8h30. Si vous voulez rejoindre l'équipe de la matinale de Fadjet, n'hésitez plus. Toutes les infos au 03 83 37 56 09 ou sur contact@fadjet.net.